Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 3 octobre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que du côté de... Il y aura une grande marche qui sera présentée le 20 octobre à Dolbeau-Mistassini. Ça va se faire sous la présidence d'honneur du maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier. Hier, il y avait une conférence de presse et on a annoncé les grandes lignes. Et pour Marie-Andrée Savard, qui est la présidente du conseil d'administration, qui est médecin également, c'est important cette compétition-là et elle nous explique le contenu de la journée du 20 octobre. Bien, encore une fois, c'est de faire bouger les gens de notre MRC pour améliorer les saines habitudes de vie. On part le 20 octobre, l'animation commence à 13h de l'école de la polyvalente Jean Dolbeau. Il y a de la musique sur place, puis aux bornes kilométriques également. Il y a deux circuits, un de 1 km là, pour les gens qui sont peut-être moins en forme ou les jeunes familles, et le circuit principal de 5 km qui fait une boucle là, en passant derrière le Juvénat qui revient là, à la polyvalente Jean Dolbeau. La grande marche est associé avec le grand défi Pierre Lavoie. Et on a demandé à Marie-Andrée Savard si le fait que c'est le 20 octobre, si on ne pouvait pas rapprocher ça un peu plus tôt, question évidemment de permettre d'avoir plus de marcheurs, et voici sa réponse. Des démarches auprès du grand défi pour que ça soit devancé, mais ils ont plusieurs activités, puis un agenda peut-être différent d'une autre dans le nord du lac Saint-Jean. À chaque fois, tu sais, on fait le commentaire. Plutôt en octobre, il faut faire attention aussi à la chasse. Fait qu'il faudrait vraiment que ça soit au mois de septembre. Je pense qu'ils trouvaient que c'était trop près de leurs autres activités, mais on continue. Et pour le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, Pascal Cloutier, c'est important évidemment. Et Dolbeau-Mistassini travaille beaucoup sur les saines habitudes de vie. Et c'est important évidemment de s'impliquer dans la grande marche. La Ligue de hockey JMS a débuté ses activités la semaine dernière. Hier, en entrevue, on a eu le président de la Ligue JMS, Pierre Gay. Et Pierre Gay nous parle évidemment des nouveautés de la saison, pour la saison 2018-2019. TM de Jonquière qui va s'occuper de relationner les allées sur les sites Internet, pour les radios, pour les journaux. Le petit gars, on le rencontre vendredi ou samedi, moi puis Danny. Puis c'est sûr qu'il va faire l'affaire. Il a déjà un bon CV. Puis pour nous autres, ça va être un plus. On aura plus besoin de se tracasser à la tête avec ça, de toujours appeler, puis savoir si on peut l'écouter, ça va être régulièrement. Ah, okay. Notre site Internet va fonctionner très bien aussi. OK. Fait que, au moins, de ce côté-là, on avance. La nouveauté qu'on a eue cette année, c'est que... On a refait les territoires et ça n'a pas plu aux éperviers de Normandin. Et évidemment, Pierre Guy raconte l'histoire. Il s'est paré de faire un repêchage avec Normandin et Robertval pour que ça... qu'il y ait au moins le même nombre de joueurs. Cette année, il y avait 6 joueurs qui sortaient ou 7. Mm. Donc, il y a une équipe qui en a eu 4, l'autre en a eu 3. Fait que là, mais tous les autres joueurs qui sont alentour, en dehors de la ville de Normandin, appartiennent à leurs équipes respectives. Okay. Donc, c'est pas un mal, parce que de notre côté, là, il faut pas s'en cacher. Normandin, là, ils ont 3 équipes midget pour fournir le junior. Mm. C'est la seule équipe où il y a 3 équipes midget. Ils ont Dolbeau, ils ont Chibougamau, puis il y avait Saint-Félicien. Mm. Puis nous autres, ils nous ont toujours dit, les gars de Dolbeau viennent pas jouer chez nous. Ils veulent pas venir jouer. Puis c'est drôle, la première game qu'ils ont joué cette année, le premier but compté par Normandin, c'est un petit gars de Dolbeau. Puis c'est le meilleur défenseur de la Ligue Midget l'année passée, le petit Ossé. OK. Jérémy Ossé. Et dans un dernier temps, Pierre Gay admet qu'il est inquiet face à la montée du hockey scolaire dans la région. Je crois pas, là. Le scolaire commence à faire mal pour moi. Je sais pas quelle méthode qu'ils vont prendre la fédération. Mais plus ça va être difficile, parce que l'idéal, là, c'est pour, faut pas s'en cacher, il faudrait que les 17 ans, que les 17 ans qui tombent juvéniles, que les autres prennent comme du juvénile, tombent juniors. L'ancienne méthode avant de la fédération, les anciennes d'or, 15-16 ans à midget, 17 ans, tu jouais juvénile, mais là, il n'y a plus de juvénile, donc tu tomberais junior. 17, 18, 19, 20 juniors, il n'y aurait plus de 21 ans. Mm. Les 21 ans, ça en irait jouer au senior. OK. Fait que là, on n'est pas capable d'avoir aucun 17 ans. Il n'y a pas aucune équipe qui est capable de prendre un jeune, le faire monter. On est barrés, ils s'en vont tous aux juvéniles. On a demandé à la fédération de bouger sur ce côté-là, mais je sais pas, ils bougent pas. Classement POC, maintenant, là, selon le site internet classementpoc.com, qui sert à déterminer le classement des équipes en province au niveau double lettre. Au niveau Bantam, on retrouve les Rapides de Boom-Sissonnier qui sont à 63e rang, les Hurricanes de Massouillache au 85e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau au 86e rang. Au niveau Midget, maintenant le Marcos Pop de Saint-Félicien occupe le 18e rang, les Ambassadeurs de Chibougamau le 26e rang et les Castors de Delbeau le 29e rang. Et au niveau Junior, les Éperviers de Normandin sont au 2e rang et les Sabres de Roberval sont au 28e rang. Il y aura une compétition de sport canin qui aura lieu samedi au centre de Toboski de Saint-Félicien. Donc, l'an dernier, cette compétition avait attiré plus de 100 chiens. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter par email José Savard au SYESOG@commercialhotmail.com. Donc, je répète le SYESOG@commercialhotmail.com. Les inscriptions vont commencer à compter de 8 heures. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec le président de la Ligue GMS, Pierre Gay. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. La référence du sport, on s'en occupe.